Sixième chapitre, devant le conseil de guerre. Plus de 7 années se sont écoulées déjà depuis le matin d'automne où Mata Hari se dirigea souriante et dédaigneuse vers le fossé du château de Vincennes. 7 ans. Et cependant, loin de se confondre avec les ombres floues formant le cortège de celles qui, pendant la Grande Guerre, furent condamnées comme espionnes, sa figure prend un relief chaque jour plus marqué. On publie des romans sur sa vie, on écrit des drames sur sa mort, on discute avec chaleur les péripéties de son procès, on invente des légendes pour compliquer son histoire. Est-ce, comme d'aucuns le prétendent, uniquement parce qu'il s'agit d'une belle femme et d'une artiste? Mais la Ticelli, Ottilia Moss, Marguerite Schmitt et d'autres qui la précédèrent ou la suivirent sur le chemin de la prison furent aussi de belles femmes. Est-ce pour le courage serein de ces derniers moments? Mais la Francillard ne fut pas moins courageuse. Est-ce pour ce que présentent de romanesque ses amours et ses intrigues mondaines? Plus romanesques que les siennes, plus pathétiques aussi, furent les intrigues et les amours de son amie Maroussia d'Estrel. Qui se souvient pourtant de toutes les malheureuses protagonistes de la tragédie judiciaire? Par contre, le monde entier s'intéresse à Mata Hari. Mata Hari devient peu à peu un symbole. Mata Hari est l'objet d'un culte. Pourquoi? Probablement à cause du mystère de sa vie et de sa mort. Tout est sombre, tout est confus, tout est énigmatique dans ses actes. Et cette fois, je ne fais pas allusion à ce que romanciers et dramaturges nous content de ses aventures, mais à ce qui se dégage du compte rendu officiel des audiences du Conseil de guerre. Car ce compte rendu existe, il a été résumé récemment par le commandant Massard qui, en 1917, exerçait les fonctions de chef du quartier général de la place de Paris. Voici le début de ce document. Recevoir l'ordre de faire exécuter un homme ou une femme cause toujours une impression désagréable. L'ordre concernant Mata Hari ne m'émut pas outre mesure. En effet, j'avais assisté aux 2 audiences secrètes du tribunal militaire et je savais pourquoi et comment la célèbre danseuse avait été condamnée. Le 3e conseil de guerre était présidé par le distingué colonel Sansprou, l'ancien chef de la garde républicaine, et siégeait dans la salle de la cour d'assises. Le huis clos était absolu. Personne absolument n'avait pu pénétrer dans la salle, et j'étais le seul officier autorisé à assister au débat. Les sentinelles ne laissaient pas approcher des portes à moins de 10 mètres, et aucun bruit du dehors, aucune influence non plus, ne venait troubler le calme et la majesté de cette justice militaire, si redoutable en apparence, mais si froide et impartiale au fond. Avant de commencer, prévenons le lecteur que si nous allons donner des détails les plus exacts sur la pièce comédie et drame dans laquelle Mata Hari a joué en grande vedette, il nous sera impossible de tout dire parce qu'il y a encore des choses qui n'appartiennent pas au public et qu'il n'y a pas lieu de révéler les noms de certains Français, de bons Français, qui ont été mêlés à la vie de la danseuse. Comme je l'ai dit en tête de ce livre, la vérité n'en sera pas moins dévoilée et présentée toute nue, comme la danseuse aimait elle-même à se montrer. Plutôt que nue, il faudrait dire décharnée. En bon soldat, le commandant Massard semble n'attribuer d'importance qu'aux faits matériels, dédaignant comme trop fugaces et trop subtiles les nuances psychologiques qui présentent pour les moralistes, quand il s'agit de sonder et de scruter des âmes tragiques, un intérêt capital. Ainsi, la vie artistique de l'accusé, Ses aventures amoureuses, son origine, sa mentalité ne constituent pas pour lui des antécédents dignes de long examen. Les mobiles mêmes qui peuvent avoir déterminé les crimes retiennent à peine son attention. Attendu que cette femme avait reçu de l'argent des Allemands, se dit-il sans cesse, il n'y a pas lieu de chercher ailleurs les motifs de sa faute. Ce qu'il se propose, c'est de nous la montrer au banc des accusés tel qu'il l'y vit. Et la vérité est que, malgré son noble désir de ne se laisser entraîner par aucune passion, il lui est impossible de cacher son mépris et son antipathie pour celle qui, à ses yeux, n'est qu'une odieuse espionne, incapable du moindre élan loyal. Et cependant, on trouve dans son propre récit des pages démontrant que ceux qui attribuaient à la fameuse ballerine des sentiments délicats et désintéressés ne nous trompaient point. On avait trouvé chez Matahari, dit Massard, beaucoup de lettres d'officiers, d'aviateurs et de notabilités parisiennes. L'une de ces lettres émanait d'un ministre de la guerre. Nous n'en dirons pas plus pour ne pas le désigner et en cela faire comme Matahari. La lettre qui figurait au dossier parlait des événements du jour et de choses très intimes. Le président, debout, en avait commencé la lecture. Mata se leva tout à coup et dit « Ne lisez pas cette lettre, monsieur le colonel. Je suis forcé de la lire. Alors ne faites pas connaître la signature. Et pour cela ?»« Parce que, » répliqua Mata, « parce que le signataire est marié et que je ne veux pas être la cause d'un drame dans une honnête famille. Ne dites pas le nom, je vous en prie. » Massard avoue que le colonel Sans-Prout, ému, eut une minute d'hésitation devant cette sincère prière. Lui, par contre, se contente de sourire ironiquement et il renoue tout de suite le fil de son récit. Il est d'une terrible froideur, ce récit. Le jour de la déclaration de guerre, dit le président à l'accusé, vous avez déjeuné avec le préfet de police de Berlin, puis vous l'avez accompagné dans sa voiture au milieu de la foule qui vociférait. C'est exact, répond Matahari. J'avais connu le préfet de police dans un music-hall où je dansais. En Allemagne, la police a le droit de censurer les costumes des artistes. On avait écrit dans les journaux que j'apparaissais presque complètement nue, et le préfet vint examiner ma toilette. C'est ainsi que nous entrâmes en relation. Très bien. Peu après, le chef de l'espionnage allemand vous chargea d'une mission de confiance et vous remit 30 000 marks. C'est exact quant à la personne et à la somme. Ce haut fonctionnaire me remit bien 30 000 marks, non pas en paiement de services de la nature de ceux que vous indiquez, mais en paiement de mes faveurs. Le chef de l'espionnage allemand était mon amant. Nous le savions déjà, mais cette somme, pour un simple cadeau galant, nous paraît à nous autres quelque peu exorbitante. À moi pas? Jamais personne ne me donne à moi. Tant mieux. De Berlin, vous vintes à Paris en passant par la Belgique, la Hollande et l'Angleterre. Que veniez-vous faire à Paris? Je venais surtout surveiller mon déménagement de la villa de Neuilly. Tout de suite après, sous prétexte de servir dans une ambulance, vous séjournez 7 mois dans la zone désarmée. À Vittel, où je n'étais pas infirmière, je voulus me dévouer en donnant mes soins à un militaire russe, le capitaine Maroff, aveugle de guerre. Mon désir était de racheter ma vie de péché au chevet d'un malheureux que j'aimais. Arrivé à ce point de son récit, le commandant Massard doit s'incliner devant la réalité. En reconnaissant que les rapports de police signalent que la bayadère perverse, la courtisane sans âme, la femme qui jusqu'alors avait avoué que ses faveurs étaient un article de luxe pour millionnaires affolés, montra une tendresse exemplaire dans ses relations avec l'infortuné guerrier moscovite. « Elle le soignait avec affection, dit-il, et lui donnait même de l'argent. » Caprice passager? Non pas. Après être restée près de lui pendant longtemps, elle ne cessa pas de lui écrire ni de la prison, ni du bord même de la tombe. Plus loin, nous verrons en effet qu'au moment de quitter sa cellule de Saint-Lazare, à l'heure suprême, où le peloton d'exécution l'attend dans les fossés du château de Vincennes, la seule chose qu'elle sollicite, c'est l'autorisation d'écrire un dernier adieu à l'être aimé. Un diplomate russe très connu à Paris, le comte Ignatieff, se propose, dit-on, de publier plus tard les notes intimes du capitaine Maroff pour montrer que cet homme, aujourd'hui retiré dans un hospice ou un couvent, n'a jamais cessé de croire à l'innocence de celle qui fut pour lui un ange. Cela, le commandant Massard ne l'ignore certainement pas, puisqu'il parle dans son livre de ceux qui, trompés ou aveuglés, continuent à douter de la culpabilité de Matahari. De pareils doutes, affirme-t-il, sont sans fondement aucun. Nous le verrons plus loin. Une des preuves morales que les accusateurs de Matahari invoquent contre elle, c'est le vif désir qu'elle montra toujours de pénétrer dans l'intimité de militaires. Elle-même confessa ce désir quand, au cours des débats, elle répondit au président du conseil de guerre. « Les hommes qui n'appartiennent pas à l'armée ne m'ont jamais intéressée. Mon mari était capitaine. L'officier est, à mes yeux, un être supérieur, un homme qui vit en pleine épopée, toujours prêt pour toutes les aventures, pour tous les périls. Quand j'ai aimé, ça a été toujours des militaires braves et courtois, et sans jamais me soucier du pays auquel ils appartenaient. Car pour moi, les guerriers forment une race spéciale qui plane au-dessus des autres mortels. » En entendant ces paroles, le président du conseil de guerre, qui apparaît à travers les débats comme un soldat simple et loyal, incapable de haine préconçue, de préjugés, d'antipathie, murmure « Le fait est que, dès votre arrivée à Paris, on ne vous vit qu'en compagnie de militaires. Les aviateurs spécialement semblent vous avoir inspiré une extraordinaire affection. Eux aussi vous recherchaient, vous flattaient, vous courtisaient. Comment arriviez-vous à leur arracher, sans qu'ils s'en rendissent compte, les secrets dont ils étaient dépositaires, mystère d'alcôve? Mais il est évident que vous indiquiez à l'ennemi les points où nos aéroplanes disposaient nos agents chargés de surveiller les avancées du front. C'est ainsi que vous avez fait tuer un très grand nombre de nos soldats. « Je ne nie pas, répond-elle, d'avoir continué, étant à l'ambulance, de correspondre avec le chef de l'espionnage allemand qui se trouvait en Hollande. Ce n'est pas de ma faute s'il occupait cette fonction, mais je ne lui parlais pas de la guerre, je ne lui fournissais aucun renseignement. » Matahari ne se déconcerte jamais malgré la gravité des accusations qui pèsent sur elle. Sa sérénité renverse ceux qui la contemplent. Il n'y a pas le moindre tremblement dans sa voix, ni la plus légère pâleur sur son visage. Très droite, voire un peu raide, elle semble parfois se sentir humiliée par le ton des questions indiscrètes que lui pose le commissaire du gouvernement. Le scepticisme de ses juges quand il s'agit des sommes qu'elle prétend avoir reçues, non pour son salaire d'espionne, mais pour prix de ses faveurs, l'irrite. Ses regards deviennent par moments durs, haineux, méprisants. Ses gestes prennent une impertinence théâtrale. « Tout est étudié, calculé », murmurent ceux qui la voient en de si tragiques moments. Mais quand on examine la scène avec attention, on remarque que ses attitudes sont naturelles. Elle est ainsi faite, a-t-elle conscience seulement de ce qui lui arrive, de ce qui peut lui arriver, du danger qu'elle court? Au début, tout au moins, on croirait que non. Ces sourires de dédain avec lesquels elle écoute certains passages du réquisitoire, cette superbe avec laquelle elle interrompt le commissaire du gouvernement, cette coquetterie avec laquelle elle dispose les plis de sa jupe au moment de s'asseoir sur le banc des accusés, tout cet apparat, en somme, qui fait sortir le commandant Massard de ses gonds et qui indispose peut-être contre elle les membres du conseil de guerre, est la manifestation spontanée d'une seconde nature née à la chaleur des hommages mondains. Ce qu'on appelle le pli professionnel finit par prendre des proportions morbides chez ceux qui, à force de se voir aduler et de s'entendre applaudir, arrivent à se croire des êtres supérieurs. En tout cas, Massard lui-même en convient. L'attitude de Mata Hari devant ses juges ne manque ni d'élégance ni de beauté. « Très grande, dit-il, svelte, le visage un peu en lame de couteau. Elle avait par moments un air rêche et désagréable, malgré ses beaux yeux pervenches et ses traits réguliers. Dans sa robe bleue, décolletée en pointe très bas, avec son chapeau tricorne coquettement militaire, elle ne manquait pas d'élégance, mais elle était totalement dépourvue de grâce, ce qui paraîtra surprenant pour une danseuse. Elle était tellement allemande de forme et de cœur. Ce qui frappait chez elle, c'était son air résolu et la forte intelligence dont elle faisait preuve à chaque instant. Cette intelligence énergique et subtile à la fois se fait jour, en effet, dans toutes ses réponses. Quand au cours de l'interrogatoire, le colonel Sans-Preux lui dit « Supposons que vous ne soupçonniez pas l'importance de ce que vous écriviez, mais vous saviez fort bien à qui vous adressiez vos lettres. » Elle comprend qu'il lui faut avouer l'évident afin de pouvoir nier le plus grave. Alors, payant de cynisme, elle se compare à Messaline et proclame que ses amours, avant la rencontre du capitaine Maroff, ont toutes été des affaires, rien que des affaires, soumises à une taxe fort élevée. Et si on lui fait remarquer qu'étant posé de tels principes, il y a quelque chose de surprenant dans son constant désir de séduire des officiers et des hommes politiques. Au lieu de jeter son dévolu sur des banquiers et des millionnaires, elle assure en souriant que les plus riches ne sont pas toujours les plus généreux. Et elle ajoute « À tous les points de vue, les officiers planent au-dessus des autres hommes. » C'est son éternel refrain. Simple désir d'expliquer d'une façon galante sa conduite dans les divers pays où on l'avait toujours vu en compagnie d'officiers? Dessein ingénu de flatter les membres du conseil de guerre? Peu importe, de simples soupçons basés sur cet enthousiasme pour l'uniforme ne constituent pas des preuves de culpabilité. Il y a plus. Une femme peut évidemment aimer un criminel sans cesser pour cela d'être elle-même innocente. Aussi le colonel Sans-Preux ne se montre-t-il ni ironique ni dur en entendant les explications de l'accusé. Mais un moment vient où elle s'écrie « Courtisane, oui, je l'avoue, espionne, jamais !» Alors, tranquillement, sans élever la voix, le président lui dit « À Paris, dans certaines circonstances, vous sentant surveillé, vous sentant perdu, l'idée vous vint d'aller offrir vos services au chef de l'espionnage français. » Pâle cette fois, la ballerine se tait. Aux yeux du prétoire qui la juge, l'offre de servir la France ne constitue pas un délit. Une autre, moins subtile, se fut empressée de s'accrocher à cette branche pour essayer de se sauver. Elle, au contraire, comprend que tout son système de défense est à la merci de la réponse qu'elle va faire. Comment expliquerait-elle son arrogance d'artiste et de courtisane offensée s'il lui devenait impossible de se proclamer incapable d'exercer un métier vil? À une Française, il resterait certes le recours d'établir une différence entre le service, si indigne soit-il, rendu à la patrie, et le service doublement infâme rendu à l'ennemi. Mais l'accusée n'est pas française. Elle n'est même pas une de ces étrangères qui, habitant constamment Paris, finissent par se franciser au point de sentir, comme beaucoup de celles qui servirent dans les ambulances, que la France est leur seconde patrie et même, parfois, la patrie de leur cœur. Non, Mata Hari est la cosmopolite parfaite, celle qui n'éprouve pour les pays ni haine ni préférence. Celle qui se trouve aussi bien à Madrid qu'à Berlin, et à Rome qu'à Londres. Elle l'a déjà proclamé en parlant de son âme neutre et de son penchant pour l'uniforme militaire sans distinction de nationalité. « Est-ce exact ?» demande le président. « Oui, c'est exact, mais il faut tenir compte qu'à cette époque, j'étais sans argent. C'est uniquement cela qui m'a poussé à offrir mes services à votre pays. De toutes les preuves qui semblent irréfutables à Massard pour mettre en évidence la culpabilité de la Bayadère, la seule qui me paraisse vraiment importante est, je l'avoue, celle-là. Pour toutes les autres questions graves, embarrassantes, Matahari trouve une explication. Ses relations avec le chef de l'espionnage allemand, amoureuses, rien qu'amoureuses. L'argent reçu d'une ambassade, paiement de ses faveurs. Les juges peuvent juger cela absurde, peu importe. Tant qu'un doute subsiste, il doit profiter à l'accusé. Seulement, cette fois, il n'y a plus de doute possible. Matahari avoue qu'elle fut une espionne. Pour le compte de la France ou pour le compte de l'Allemagne, moralement, pour une Hollandaise, la différence est nulle. À partir de cette terrible minute, Massard nous paraîtra moins cruel, moins partial. Très courtoisement, comme en s'excusant d'avoir à poser à une dame des questions aussi désagréablement indiscrètes, le colonel s'en proue interroge. De quelle façon pensiez-vous vous rendre utile à la France? En mettant à profit pour elle mes relations, répond Matahari. C'est ainsi que, dès le début, j'ai indiqué au chef du deuxième bureau les points exacts de la côte du Maroc, où les sous-marins allemands débarquaient des armes, ce qui me paraît important. Très intéressant, en effet, murmure le commissaire du gouvernement, Mornay, qui ne réussit pas toujours à contenir son impatience et sa mauvaise humeur. Puis, élevant la voix, « Ces points que vous indiquiez, vous ne pouviez les connaître qu'en étant en relation avec des Allemands. » Déconcertée, la ballerine essaie d'expliquer l'inexplicable, assurant qu'elle sait ce qu'elle sait pour l'avoir entendu dire dans un banquet de diplomates, une nuit de grande fête, elle ne se rappelle plus où. « Après tout, conclut-elle, je ne suis pas française, je n'ai aucun devoir de conscience envers ce pays-ci. Mes services étaient utiles, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Je ne suis qu'une pauvre femme traquée par des officiers peu galants, désireux de me perdre en me faisant avouer des fautes que je n'ai pas commises. » Et d'une voix aigre, les lèvres crispées, elle crie en montrant le commissaire du gouvernement. « Cet homme est un méchant !»« Calmez-vous, lui dit le président, et permettez-moi de continuer à vous parler de ce qui se passa vers l'époque où vous avez proposé spontanément vos services à l'espionnage français. Quand le capitaine Ledoux vous demanda ce que vous pouviez faire, vous vous offrîtes, en qualité de Hollandaise, pour aller en Belgique porter des instructions aux agents que nous avions là-bas. Le capitaine vous remit un pli pour un de ses agents et vous vous embarquâtes, soi-disant, à destination d'Angleterre. De là, vous deviez passer en Hollande, puis aussitôt après en Belgique. Or, vous n'allâtes ni en Belgique ni en Hollande, mais bien en Espagne, où nous vous retrouverons tout à l'heure. Cela ne vous empêcha pas de profiter du pli qu'on vous avait confié. Vous rappelez-vous de quelle façon ? L'accusé se tait. Le président redemande. Vous rappelez-vous l'usage que vous fîtes du pli qu'on vous avait confié pour le remettre à un de nos agents à Bruxelles ? Non, répond l'accusé d'une voix sourde. Eh bien, 3 semaines après votre départ de Paris, cet agent dont vous aviez divulgué le nom était fusillé à Bruxelles par les Allemands. Arrivé à ce point du procès, le commandant Massard, argumentant avec une logique inflexible, nous montre que nous nous trouvons devant une preuve matérielle de la culpabilité de la Bayadère. En effet, ses balbutiements, ses silences, ses sursauts, ses aveux même soulignent sa faute. Et cependant, il y a là aussi quelque chose qui nous laisse encore dans le doute et en plein mystère. Cette femme, pensons-nous, ne nie pas avoir offert ses services à l'espionnage français. Qui plus est, se rabaissant jusqu'à la vénalité criminelle, elle n'invoque pour toute excuse que des besoins d'argent. Cependant, le plus probable est que ce ne soit ni par gêne, ni par cupidité qu'elle s'est présentée au capitaine Ledoux, mais par peur. Le colonel Sans-Prou lui-même affirme que la ballerine, inquiète des soupçons qu'elle inspire à la police parisienne, se réfugie dans le deuxième bureau comme dans l'unique asile susceptible de la sauver. La seule chose qu'elle demande, une fois enrôlée, c'est une mission qui lui permette de sortir de France. Elle l'obtient, et après quelques semaines passées à Londres, elle gagne Madrid. Qui fait-elle? Le commissaire du gouvernement, Mornay, répond « De l'espionnage !» Soit. Admettons cette thèse de l'accusation. Mais alors, comment expliquer que cette malheureuse songe, après quelques jours de vie madrilène, à retourner à Paris? S'il s'agissait d'un être inconscient, incapable de raisonner, dépourvu d'intelligence, on pourrait à la rigueur admettre que, se laissant abuser par quelque agent captieux de la police française et croyant qu'il lui serait facile de s'expliquer sur l'exécution de Bruxelles, elle se soit décidée à franchir la frontière. Mais il est avéré au contraire que c'est malgré les conseils de tout le monde qu'elle revint à Paris seule avec ses passeports bien en règle. Voici la lettre qu'à ce sujet vient de m'adresser le consul de Hollande à Nice, M. de Witt, qui, pendant les dernières années de la guerre, dirigea un service important à la légation de son pays à Madrid. « Cher Monsieur Gomez Carillo, mille remerciements pour vos bons souvenirs. Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous faire de communications sensationnelles concernant Matahari. La première fois que je la vis, ce fut en 1915 à Amsterdam où j'étais mobilisé. Nous étions au même hôtel, l'hôtel Victoria, et je l'y voyais souvent en compagnie d'Allemands. Ce n'est qu'à la fin de 1916 ou au commencement de 1917, quand je regagnais mon poste de Madrid, que je la connus personnellement. Voici l'histoire. Elle m'écrivit qu'elle désirait me voir afin de me demander un conseil. J'allais la retrouver à l'hôtel Ritz. Il s'agissait simplement de se faire adresser à Madrid des fonds qu'elle prétendait avoir déposés dans une banque à Paris. Je lui conseillais d'écrire d'abord à cet établissement et j'ajoutais qu'en cas de difficulté, je demanderais l'intervention de mon chef, le ministre des Pays-Bas. Elle ne me parla plus de l'affaire par la suite, ni ne sollicita l'intervention de la légation. Comme font beaucoup de femmes quand elles ont à demander un service, elle me narra alors toute l'histoire de sa vie. Elle était soi-disant de pure race hollandaise, fille d'un maire de Franeker nommé Zell. Elle avait épousé très jeune, à 16 ans, M. MacLeod, d'origine écossaise, officier de l'armée des Indes néerlandaises. Son mari l'emmena à Java, où elle fut malheureuse, car son mari la maltraitait fort. Au cours d'un voyage à travers l'Europe, elle quitta son mari à Paris. Et n'ayant pas d'argent, voulut gagner sa vie comme modèle de peintre. Étant très nerveuse, elle ne pouvait jamais rester tranquille, et un peintre lui dit un jour qu'au lieu de s'agiter sur sa chaise, elle dansa. Elle avait vu les danses indigènes de Sumatra, et elle les imita si bien que le peintre lui conseilla de chercher un engagement dans un music-hall. Elle ne tarda pas à gagner des cachets fabuleux dans les grands concerts parisiens. Elle choisit le nom de Matahari parce que ses mots signifient « soleil d'aurore ». À cette époque, elle était une beauté. Autre chose qui vous intéressera peut-être plus que tout ce que je viens de vous écrire, elle était arrivée à Madrid après avoir passé quelque temps à Barcelone où, me dit un catalan, on l'appelait l'homme d'affaires. Pour quel motif, je n'en sais rien. Mais ce surnom me donna d'autant plus à réfléchir qu'elle n'avait pas de contrat en Espagne comme danseuse. Devant retourner peu après à Paris, elle me demanda un laissez-passer ou une recommandation pour les autorités françaises de la frontière, manifestant une vive inquiétude à l'idée d'avoir à franchir les Pyrénées. Je lui répondis qu'elle devait demander cette recommandation à mon chef, car je n'avais pas qualité pour la délivrer seule, et j'ajoutais qu'une personne qui a la conscience tranquille ne doit rien craindre, qu'en outre elle pourrait télégraphier à la légation en cas de difficulté. J'insistais enfin sur ce point. Pour quelqu'un qui n'aurait pas la conscience très très tranquille, mieux vaudrait en ce moment ne pas se risquer à passer la frontière, même nantie d'une recommandation. Elle prit cela de très haut. Elle se montra indignée d'un tel avertissement, ce qui m'inclina davantage encore à douter de son innocence. Cependant, elle partit. Quelques mois plus tard, je n'éprouvais aucune surprise, malgré qu'elle eût toujours parlé des salboches et se fût montrée très francophile, quoique sans exagération suspecte, en apprenant qu'après avoir été étroitement surveillée, elle avait été arrêtée par la police à l'heure du thé dans un grand hôtel parisien. L'attaché militaire à l'ambassade de France en Espagne me dit un jour, à Saint-Sébastien, que Matahari avait coûté plus d'une division à l'armée française. À la légation des Pays-Bas à Paris, on m'a dit qu'au cours de son procès, elle n'a jamais demandé protection aux autorités de son pays. Croyez, cher monsieur, etc., j'ai de vite. Ce document, qui semble à première vue éclaircir le mystère de la culpabilité de la ballerine, ne réussit au contraire qu'à l'obscurcir davantage. Comment admettre en effet qu'une femme intelligente, ou simplement une femme qui n'est pas folle, se précipite ainsi vers la souricière quand toutes ses connaissances, y compris les représentants officiels de son pays, la préviennent des soupçons qui pèsent sur elle? On dira peut-être qu'elle peut fort bien n'avoir attaché aux paroles du diplomate hollandais qu'un sens abstrait de conseil général donné à tous ceux qui allaient lui demander un passeport. Fort bien, mais remarquez que déjà un journaliste madrilène, Ezequiel Endres, avait publié dans El Liberal toute une série d'articles intitulés « La dame aux fourrures blanches » et où il parle des relations existantes entre le chef des espions allemands à Madrid et la danseuse descendue à l'hôtel Ritz. Qu'il soit possible également qu'elle n'ait point lu ces articles, je vous l'accorde, mais... L'étrange, en tout cas, c'est que ni Matahari ni son défenseur ne se servent point de cette présomption d'innocence que constitue le retour à Paris. En me plaçant dans le pathétique cas de Maître Clunet, je crois que mon devoir m'obligerait à dire aux membres du Conseil de guerre « Remarquez, messieurs, qu'au moment où elle rentre en France, cette femme n'ignore point les soupçons qui pèsent sur elle. Si ces soupçons n'étaient pas vains, si cette femme n'avait pas la conscience tranquille, si elle ne croyait pas avoir donné de suffisantes preuves de son attachement à notre pays, si elle ne souhaitait pas ardemment notre triomphe, le triomphe de l'armée dans laquelle a combattu le seul homme qu'elle était aimée et pour lequel elle se soit sacrifiée, rien ne lui eût été plus facile que d'écouter les conseils de la prudence. Rappelez-vous, messieurs, ce que disait Victor Hugo. Si l'on m'accusait d'avoir volé les tours de Notre-Dame, au lieu d'essayer de me justifier, je m'empresserais de mettre de l'espace entre la police et moi. » Matahari, accusé d'un crime pareillement fantastique, a cru que le mieux était, au lieu de prendre du large, d'accourir là où il y avait danger, afin de démontrer ainsi son innocence. Mais l'illustre avocat qui assume le terrible honneur de défendre la Bayadère préfère accorder sa confiance à l'importance des dépositions qui doivent lui être favorables. Des ministres et des ambassadeurs vont défiler à la barre des témoins pour dire leur foi en l'innocence de la Bayadère. En outre, et ce n'est un secret pour personne, ce grand jurisconsulte, cet arbitre austère de différends entre nations, ce maître incontesté du barreau, s'est laissé prendre, comme tant d'autres, aux raies étranges de la Circé, au charme de laquelle aucun mortel ne semble avoir opposé la résistance d'Ulysse, et il est sûr de pouvoir la sauver. Il est incroyable le nombre des amants illustres que le capitaine Mornay reproche à la danseuse. Et je ne fais pas allusion aux jeunes aviateurs étourdis, non plus qu'aux fougueux officiers subalternes ou supérieurs, qui ne furent, dit-on, que de pitoyables jouets d'une nuit entre ses bras insatiables, avant d'entretenir des relations intimes avec un ministre de la guerre français, dit Massard. L'espionne en avait eu de non moins intimes avec le Kronprinz allemand qui l'avait emmené aux grandes manœuvres de Silésie, puis avec un des plus hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, puis avec le président du Conseil des ministres de Hollande, M. van der Linden, puis... Puis, discret comme Scheherazade, l'historien arrivé là se tait, ne voulant citer d'autres noms que ceux qui figurent au procès et qu'ont publié les journaux. Celui de Maître Clunet figure parmi eux. Les uns disent il l'avait adoré, et quoiqu'au moment de son arrestation il ne conservait plus que le souvenir de ses charmes et de ses perfidies, il voulut par esprit chevaleresque lui prêter l'appui de son prestige et de son éloquence. D'autres croient qu'à l'époque du procès, le défenseur était encore un des amants de la ballerine. Cet amour vivant ou mort suffit-il pour expliquer sa foi en l'innocence de Matahari? Car Massard lui-même se voit obligé à reconnaître que l'éminent juriste, dont l'âme est un miroir de vertu civique, conserva toujours, jusqu'au moment de l'exécution, sa foi inébranlable. Il convient de dire cependant que l'ancien chef du quartier général de la place de Paris ajoute « La candeur de cet homme est attendrissante et son dévouement digne de meilleure cause. » Moi, ce qui me surprend, ce n'est pas la candeur, mais la faiblesse de l'avocat qui semble vouloir n'intervenir que pour prier les juges d'excuser les emportements de sa cliente et qui, au moment grave, quand il s'agit de fournir des explications épineuses, la laisse s'embourber et patauger dans la répétition de sempiternelles phrases qui n'expliquent rien. À Madrid, hôtel Ritz, dit le président du conseil de guerre à la ballerine, vous occupiez une chambre contiguë à celle du chef de l'espionnage allemand en Espagne. C'est exact, répond-elle. Cet agent de Berlin vous faisait de fréquentes visites. Encore exact. Avez-vous reçu des cadeaux de cet homme? Mais oui, il était mon amant. Fort bien. Cet amant télégraphia à son collègue d'Amsterdam, alors que vous vous trouviez déjà à Paris, en lui disant de vous y envoyer, par l'intermédiaire de la légation d'un pays neutre, 15 000 marks. À quoi bon nier? Le dit fonctionnaire allemand préférait payer mes faveurs avec l'argent de son gouvernement. Le conseil de guerre prendra cette explication pour ce qu'elle vaut. Vous reconnaissez que l'argent venait du chef de l'espionnage allemand à Amsterdam? Parfaitement. De mon ami de Hollande, qui payait, sans le savoir, les dettes de mon ami d'Espagne. On ne put tirer autre chose de l'accusée, dit Massard. Elle avait reçu le coup du télégramme comme un coup de massue sur la tête. Elle chancelait, blême, les yeux hagards, la bouche crispée d'où les phrases sortaient en mots hachés. Je vous dis que c'était pour payer mes nuits d'amour. C'est mon prix. Croyez-moi, soyez galants, messieurs les officiers français. Qu'une telle réponse ait paru inutilement cynique à ses juges, cela ne devrait pas étonner l'accusé. Pourtant, en voyant errer un sourire narquois sur les lèvres du capitaine Mornay, elle tempête sur ce qui lui semble une grave faute contre la galanterie. Ces changements d'attitude au cours du procès sont toujours brusques. Après s'être dressée en lançant à ses juges des regards de défi, elle semble, sans cause apparente, près de s'évanouir. Quand son défenseur tourne vers elle ses yeux de fidèle ami impuissant, comme pour la prier de pardonner son manque d'influence, elle lui répond par des haussements d'épaules et de mous de dépit. Aux gendarmes qui la surveillent, elle prodigue par contre paroles aimables et coups d'œil tentants. Tout en elle, dit un témoin du procès, est un mystère. En effet, tout ou presque tout, à tous les instants, est inexplicable, dans son caractère, dans sa vie, dans ses mobiles, dans ses gestes, dans ses affections et même dans ses paroles. Ses intimes affirment qu'elle parlait couramment 5 langues ou 6. En aucune, néanmoins, elle ne réussit jamais à s'expliquer clairement. Ses phrases sont comme ses danses, tortueuses et serpentines. Le peintre Franz Namur, qui la fréquenta durant de longues années, nous affirme qu'elle était la femme la plus triste qu'il ait jamais vue. « Qui oserait se flatter de l'avoir devinée ?» écrit-il. « J'ai d'elle 2 portraits. Un où on la voit en toilette de ville, je ne sais pas ce qu'il est devenu. L'autre où la danseuse a posé avec un diadème indien et un collier fait d'émeraude et de topaze. Elle est venue souvent, en effet. » Ce qui frappait, ce qui étonnait chez cette femme choyée par la fortune, à qui le destin avait tout donné, Grâce, talent, célébrité, ce qui étonnait, c'était une intime et lourde tristesse. Volontiers, elle demeurait prostrée dans un fauteuil et y rêvait pendant une heure à des choses secrètes. Je ne puis pas dire que j'ai vu sourire Matahari. Elle était superstitieuse comme une hindoue. Un jour qu'elle se déshabillait, un bracelet de jade coula de son poignet. « Oh ! » cria-t-elle en pâlissant. « Cela me portera malheur. Vous verrez, cela me présage un malheur. Gardez-le, cet anneau, je ne veux plus le voir. » D'autres conservent de Matahari un souvenir moins triste, moins sombre, plus mondain. D'autres encore, qui ne la virent qu'en ces fêtes nocturnes, nous la peignent avec les couleurs d'un enthousiasme exalté. Mais sur quoi tous tombent d'accord, c'est sur son caractère mystérieux, brusque et changeant. Et les témoins, dès les premières audiences, le défenseur nous annonce comme capable d'éclaircir tout le mystère du procès, les dépositions de personnages cités à sa requête. La danseuse elle-même, quand elle apprend que de ses amis les plus illustres vont venir témoigner, ne se tient presque pas de joie. Coquette et féline, elle passe voluptueusement sur ses lèvres la caresse illuminante du bâton de carmin. Une fleur envoyée par un admirateur anonyme égaie l'austérité de son costume bleu. Loin de repousser, comme autrefois, les bonbons que son avocat lui offre, elle les croque avec une puérile gloutonnerie. Ce n'est plus aux gendarmes seulement qu'elle sourit. Elle sourit aussi à ses juges. Mieux, Mornay lui-même, le commissaire du gouvernement, en qui elle voyait tantôt un Torquemada, lui semble à présent un nouvel ami. Sans doute nourrit-elle un secret espoir. Et Massard d'insinuer « Cabotinage ». Cabotinage ? Pourquoi ? Pourquoi n'y aurait-il pas quelque chose de sincère chez cette femme, quelque chose d'ingénu? Moi, du moins, en mon désir de trouver, ne serait-ce qu'un reflet de lumière rédemptrice dans l'âme des coupables, je me demande une fois de plus si nous n'allons pas assister enfin à quelque scène qui nous révèle son innocence. Introduisez le premier témoin à décharge, ordonne le colonel. Un monsieur à l'air distingué s'approche de la barre. « Pourquoi avez-vous fait citer ce témoin ? » demande le commissaire du gouvernement. Elle, douce, souriante, tranquille, répond. « Le témoin occupe, dans le gouvernement français, vous le savez tous, une très haute situation. Il est au courant de ce qui se dit au sein du Conseil des ministres et de ce qui se prépare sur le champ de bataille. Eh bien, sans le chercher, je le trouvais à mon retour de Madrid. » Il avait été mon premier amant après mon divorce. Il était tout naturel que je le revisse avec plaisir. Nous passâmes ensemble 3 jours. Demandez-lui si, dans l'intimité la plus absolue, dans nos longues causeries, je lui ai posé une seule question touchant la guerre. Le témoin, qui, à cette époque, était encore ou venait d'être ambassadeur de France près le roi d'un pays allié, répond d'une voix émue. « Jamais, au grand jamais !» « Il est bien invraisemblable, interrompt le commissaire du gouvernement, que deux personnes aient pu passer 3 jours ensemble sans parler de ce qui nous obsède tous. »« C'est peut-être invraisemblable, répond le témoin, mais c'est vrai. » Et comme personne ne peut douter de ses dires, il ajoute « Nous parlâmes d'art oriental. » Une flamme d'espoir brille dans les yeux de l'accusé. « Vous le voyez ?» s'écrie le défenseur, élevant pour la première fois la voix. « Vous le voyez, cette femme qui passe 3 jours avec un des dirigeants de notre politique, et ne lui parle même pas de ce qui peut le plus intéresser nos ennemis. Cette femme est innocente. » Impassible et implacable, le capitaine Mornay réplique. « L'accusée est assez intelligente pour comprendre qu'on ne tire pas les vers du nez à un diplomate aussi facilement qu'à de jeunes officiers ivres d'amour et incapables de se méfier d'une artiste illustre. Mais elle ne manque pas pour cela de mettre à profit l'influence du personnage qui lui témoigne de l'affection. On a dit, et il est possible que cela soit, que quelques-unes des notes envoyées par Matahari à ses amis de Madrid et d'Amsterdam sont écrites sur du papier à l'entête du ministère des Affaires étrangères. Elle cherchait surtout par là à faire savoir à ceux qui la payaient que ses relations officielles étaient de telle nature qu'il lui était facile de pénétrer les secrets d'État. En se faisant voir par d'autres espions en compagnie de l'illustre ambassadeur qui se trouve à la barre, elle se parait d'une auréole qui lui permettait de se montrer plus exigeante. Livide, le témoin écoute et se tait. Les hypothèses du commissaire du gouvernement lui paraissent sans doute plausibles. Mais en vrai gentleman, quand on lui demande s'il n'a rien à ajouter, il répète « Jamais rien n'a altéré la bonne opinion que j'avais de cette dame. » Et saluant la ballerine, il se retire aussi grave qu'il était entré. Un autre des témoins cités est un ancien ministre de la guerre, mais comme il se trouve sur le front, il n'a pas répondu à l'appel de celle qui fut, suivant ses lettres, le plus profond amour de sa vie. Le président reconnaît que ce témoin a déclaré au magistrat chargé de l'instruction du procès que jamais l'accusé ne lui parla de la guerre, ni ne lui posa de questions qui aient pu lui paraître suspectes. « Mais alors, demande le commissaire du gouvernement à la ballerine, qui vous mit donc au courant des préparatifs de l'offensive de 1916 ?»« Personne. » »« Comment, vous niez avoir connu ces préparatifs ?» J'avoue qu'étant dans la zone des armées, pendant que je soignais le capitaine Marov, j'eus vent qu'on préparait une grande offensive. Je l'appris par certains officiers amis. Mais remarquez que si j'avais voulu communiquer de telles nouvelles aux Allemands, ce m'eût été impossible. Pourtant, il est prouvé que vous continuiez à correspondre avec Amsterdam. Vos lettres étaient reçues par la légation d'un pays neutre, qui les transmettait les croyant destinés à votre fille. « J'écrivais, c'est exact, mais je n'envoyais aucun renseignement sur la guerre. »« Il n'en reste pas moins que vous écriviez au fameux chef de l'espionnage allemand en Hollande. Nous le savons pertinemment, et nous savons aussi que vos lettres étaient signées H21. »« Non, ce n'est pas exact. »« Pardon, c'est exact. » Et la preuve en est que le télégramme de l'agent de Madrid à son collègue d'Amsterdam, demandant pour vous 15 000 marks or, disait d'envoyer cette somme à l'ordre de H21. Comme chaque fois que des questions l'embarrassent, Matahari se tait et s'agite. Sa bonne humeur du début de cette dernière audience s'évanouit. Les témoins n'ont pas réussi à apprivoiser le capitaine Mornay ni à convaincre le colonel Sansprou. Pour essayer de la sauver, le défenseur demande que l'on considère les débats comme clos et qu'on lui accorde la parole. Et pendant de longues heures, il parle. Il parle avec foi, avec chaleur, avec conviction. Sa parole retrouve l'éloquence qui le rendit célèbre il y a 20 ans. Son noble visage impressionne les juges militaires qui l'écoutent en silence respectueusement. Le commissaire du gouvernement lui-même n'ose pas sourire de ce qu'un journaliste célèbre appelle des candeurs de vieillards amoureux. Que dit l'illustre jurisconsulte ? Sa plaidoirie n'a jamais été publiée. Mais si j'en crois les « on dit », en dehors des arguments suggérés par la danseuse elle-même qui se proclame courtisane vénale, mais qui repousse l'accusation d'espionnage contre la France, cette plaidoirie contient une étude psychologique très aiguë et très subtile sur l'âme compliquée, inconsciente, énigmatique de cette femme. Dans le livre de Massard, il y a des pages que cet historien attribue à un graphologue et qui, je ne sais pas pourquoi, à cause peut-être de l'endroit où elles sont publiées, me semble devoir être un écho de ce que Maître Clunet dit pour expliquer ce qu'a d'inexplicable la conduite de sa cliente. Toutes ces impulsions tumultueuses donnent à sa vie intérieure quelque chose de chaotique. Il n'est pas possible d'accorder une confiance absolue à une nature si versatile, si trépidante, si agitée, toujours prête aux résolutions extrêmes. Le frein des idées ne suffit pas à contenir ce tempérament qui s'emballe, qui ne mesure pas les obstacles, qui se livre aveuglément aux caprices du destin. Rien ne peut l'empêcher de suivre le cours de ses passions, et au milieu d'une pareille inconduite, elle paraît toujours maîtresse de soi. Son intelligence est hors de doute. Il n'y a en elle rien de vulgaire. Ses goûts sont très fins, très harmonieux. Elle comprend et sent la beauté, l'art, les idées. Et elle est séductrice par instinct, par besoin, par impulsion. Elle est incomparablement complexe. Franche, elle se complète à mentir à ses amis. Sa vigueur est étonnante et la force de ses véhémences telle qu'elle-même s'en effraie. Par des considérations psychologiques de cette espèce, le défenseur vise certainement à faire comprendre aux membres du conseil de guerre qu'une femme de cette nature ne doit pas être jugée comme un soldat. Ce qui, chez un être normal, serait un indice de faute, n'est plus chez elle que le reflet de ses fantaisies dans une atmosphère surchauffée par la tourmente. Beaucoup de ce qu'elle dit elle-même, de sa vie, de ses vices, de sa vénalité, de ses intrigues, de son pouvoir magnétique, paraît invraisemblable. Cependant, tout peut être vrai. Par vanité morbide, par curiosité malsaine, pour de mystérieuses raisons sentimentales, elle a fait la conquête des chefs de l'espionnage allemand. Puis elle a séduit les officiers français qui se sont approchés d'elle. Ce jeu des haines qui se croisent dans son lit et se confondent sur ses lèvres lui procure une joie diabolique et enfantine en même temps. Est-ce bien ainsi que Maître Clunet s'efforce de disculper Matahari? En tout cas, ses discours, malgré toute la subtilité et toute l'éloquence dont ils débordent, ne convainquent pas les juges. L'accusée elle-même doit s'en rendre compte, puisque, terminée la plaidoirie, elle se lève pour une déclaration suprême dans laquelle elle proclame une fois encore son innocence. « Remarquez, dit-elle, que je ne suis pas française et que je conserve le droit de cultiver n'importe où les relations qu'il me plaît. La guerre n'est pas un motif suffisant pour que je cesse de me sentir cosmopolite. Je suis neutre et mes sympathies vont à la France. » Si cela ne vous suffit point, faites ce que vous voudrez. » L'audience est suspendue. Le conseil délibère. 10 minutes après, la sentence est rendue à l'unanimité. Il n'y a eu débat ni sur le fond de l'affaire, ni sur les détails, ni sur l'application de la loi. Le président a demandé à chacun des membres du tribunal, en commençant par celui du grade le moins élevé, « En votre âme et conscience, êtes-vous convaincu que cette femme est coupable d'avoir communiqué à l'ennemi des renseignements et des documents et d'avoir ainsi causé la mort de beaucoup de nos soldats ?» Sans hésiter, très calme, ces militaires ont répondu « Oui ». Après avoir signé la sentence, l'un des juges en commandant s'écrie « C'est horrible de condamner à mort en pleine jeunesse une créature aussi séduisante et d'une si grande intelligence. » Mais ces intrigues ont causé de tels désastres que, si je pouvais, je la ferais fusiller 2 fois plutôt qu'une. Le colonel Sanproux, un peu pâle, ordonne au greffier de communiquer la sentence à l'accusé, et la scène pathétique se déroule devant le piquet qui présente les armes. « Au nom du peuple français, Matahari va-t-elle s'évanouir? Va-t-elle protester? Va-t-elle crier encore son innocence? Non. Sur les joues livides de son défenseur roulent 2 grosses larmes. Elle, par contre, sourit, silencieuse, tranquille, sereine, presque indifférente, comme s'il s'agissait de quelque chose d'insignifiant qui ne mérite même pas une phrase de commentaire. Dans l'ombre, un des gendarmes murmure « Celle-là saura mourir ».